DanRadioSport.com avec Hugues Fauché, notre spécialiste, un de nos spécialistes avec Tony Guzzo de la Salut. NFL. Salut Hugues. Denis, ça Ça va va bien, bien? ça va bien. Hugues, évidemment, on va y aller avec la fin de semaine dans la NFL, ce retour des matchs du week-end. D'abord, je dois te féliciter, 2-2. Et je t'ai appelé samedi, puis tu m'avais dit, j'ai fait deux offsets, puis je suis vraiment pas sûr du tout de ma prédiction. J'avais prédit les Chiefs et également les Oui. Bucks. Donc, félicitations, bravo, Merci. tu gagnes. Et moi, je suis 0 en 2 parce que moi, j'avais prédit Bills-Packers. On va commencer d'abord avec le premier match. Après ça, on va y aller avec l'actualité dans la NFL. Donc, dans le premier match, écoute, Matt LaFleur est critiqué aujourd'hui un peu partout pour avoir, en fin de match, tenté le placement au lieu d'y aller avec un quatrième jeu. Faut dire qu'il faisait confiance quand même à sa défensive. Bonne ou mauvaise, c'est trop facile à dire après, là. Ouais. Mais c'était que. Est-ce que toi, tu y aurais été quand même avec le placement, si ça aurait été Matt LaFleur? Non, non, moi j'aurais tenté d'y aller avec le toucher. Comment je peux dire, c'est dur d'aller aussi profondément dans le territoire Ouais. adverse. Alors j'aurais essayé. Par contre, je te dirais que mon choix de jeu aurait été différent pour essayer de m'approcher. Sachant que j'avais 4 essais à ma disposition, j'aurais essayé de m'approcher de la zone début, pas d'être en situation de quatrième et long. Donc, j'aurais probablement géré ça différemment. Je pense qu'il n'a pas très bien géré sa fin de match. Mais j'aurais été avec. Moi, j'aurais vraiment tenté d'y aller avec le toucher, honnêtement. OK. Mais il Mais faut comme dire, tu faut dis, donner crédit. Oui? Daniel, c'est Tom Brady de l'autre côté aussi. Il ne Oui, redonne puis Tom pas le Brady est ballon excellent. avec C'est la sûr que poche. Tom Brady est excellent quand il reste 2 minutes à peu près à faire dans le Il ne faut pas match. que tu lui redonnes le ballon. Donc, tu peux pas, faut que tu tiennes compte de ça. Tu sais, si ça avait été un autre corps arrière de l'autre côté, mettons que ça avait été Jared Goff puis les Rams, j'aurais peut-être pris la chance, mais pas avec Tom Brady. Moi, j'y aurais été. OK. Donc, écoute, moi je donne crédit quand même à la défensive des Buccaneers. C'est eux qui ont gagné le match. Tom Brady en première demi était excellent. En deuxième demi, c'est autre chose. C'est la défensive qui a gagné cette rencontre-là. Faut dire également que les Packers en deuxième demi, à la fin de la première demi, moi je pense que le match est peut-être joué là plus que la décision de Matt LaFleur. En fin de première demi, il reste à peu près 8 secondes. On a considéré un toucher. Oui. Moi je pense que le match est joué Alors, plus là. À mon avis, en tout cas. absolument. Je pense qu'on a tous eu la même réaction, là, t'sais. Bravo aux Buccaneers, mais c'est quoi cette défensive-là? Écoute, je comprends toujours pas. Comment, effectivement, là, on a pu jouer du homme à homme à un contre un dans une situation comme celle-là, là, je comprends pas. Alors oui, je pense que c'est là, ça a donné un toucher aux Bucks, alors que les Bucks auraient dû ne pas avoir de points. Donc, c'est une différence de 7 points. Puis moi aussi, je suis d'accord avec toi, c'est le jeu clé du C'est le match. jeu clé du match. Ça, C'est ouais. la deuxième demi également. Les Buccaneers ont joué défensivement, ont joué tout un match. Deux joueurs de la tertiaire n'étaient pas là. Donc, ça aussi, Oui. là, deux partants de la ligne tertiaire, ça c'est le gros jeu. Moi, je n'étais pas certain que les Packers. Moi, j'étais certain que les Packers allaient remonter en deuxième demi. Quand j'ai vu les deux joueurs de la tertiaire Oui. blessés, je me suis dit, oh, pédale. Et puis là, ben, finalement, ben, faut donner crédit à la défensive des Bucs qui a gagné ce match-là. Absolument. Un bon front défensif. La tertiaire est amochée, mais c'est une défensive qui, au niveau statistique, qui n'est pas nécessairement dans les meilleurs de la ligue, mais il crée des choses, il provoque des revirements, il frappe durement, là, il frappe le corps arrière aussi. C'est une défensive qui est embêtante, donc on verra si ça va être suffisant pour arrêter Pat Mahomes. C'est autre chose, ça. Ouais, ben ça Pour c'est autre chose. coacher, par exemple. Et dans l'autre match, on va y aller tout de suite dans l'autre match. Je pense qu'il faut donner crédit aux Chiefs de Kansas City écoute, ils étaient tout simplement trop forts. Moi, là, j'avais pas été impressionné par les Chiefs contre non, pas du tout. Puis j'avais même dit, j'étais à peu près certain contre les Browns, j'étais à peu près certain que s'ils jouaient de la même façon qu'ils allaient perdre contre les Bills, mais ils ont mieux joué. On a vu probablement une équipe mieux organisée qui avait plus faim, on dirait, que contre les Browns. Est-ce que je Non, me c'est trompe? exactement Elle avait plus ça. faim. Beaucoup plus faim. Oui. Ils ont beaucoup mieux joué. Moi, à ce stade-ci, je vais être honnête, apprendre à gagner, c'est une chose. Moi, j'ai l'impression que les Chiefs, c'est une équipe qui sait comment gagner. Ça commence par Mahomes, mais l'équipe au complet, ils savent tourner la switch à on, comme on dit, quand c'est le temps. Puis là, ils ont joué leur plus gros match de l'année. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas joué comme ça. Hein. Il y avait eu une fin de saison difficile, un match difficile contre les Browns. Ils n'avaient pas été convaincants. Mais là, vraiment, ils ont dominé ce match-là contre les Bills. Je me souviens quand c'était 9-0, ma blonde avec qui j'écoutais le match me disait, elle souhaitait vraiment une victoire des. Ben, je pense que tout le monde aurait trouvé sympathique une victoire des Bills. Honnêtement, avec le cœur, là, je pense que On est des partisans. c'est juste. On est des partisans, Ah, mais oui. quelque part, on est content. On On est aurait été content. tellement contents pour eux autres, mais sauf que quand elle s'est mise, elle n'est pas la plus grande fan des Chiefs non plus, parce qu'elle trouve un peu arrogant ce stade-ci. Puis quand elle était comme à 9-0, j'ai dit, fais pas ça. Comment je peux dire? Réjouis-toi jamais d'une défaite de Pat Mahomes, parce que tu n'auras pas de fun plus tard dans le match. Le gars est tellement Non. bon que tu peux pas. Tu sais, il faut que tu gardes une réserve, tu regardes le match objectivement, mais tu prends pas contre Pat Mahomes. Il est trop fort, honnêtement. Moi, je pense qu'il est dans une classe à part présentement là, dans la NFL. Il est vraiment bon. C'est effectivement le meilleur cas. Moi qui avais dit, moi je m'attendais, j'avais dit que c'était dur pour une équipe de répéter deux fois consécutive, mais Oui. honnêtement, je peux pas voir comment les Bucs sur papier, comment les Buccaneers pourraient battre Non, les effectivement. Chiefs. Par contre, C'est peux-tu gager contre Tom Brady aussi? difficile. Tout à fait. Gageons pas nécessairement contre Non, Tom la Brady non différence plus. entre un bon corps et un grand corps, ben, donc, en fait, entre un excellent corps et un très grand corps, pour moi, là, il y a ces deux, c'est une chose. Un excellent corps va mettre plein de points sur le tableau. Un très grand corps va aussi contrôler le match. Il ne mettra pas juste des points, il va prendre le contrôle de la game. Ça, il n'y en a pas C'est beaucoup Tom qui peuvent faire ça. Brady a Oui. été la force. Regarde, c'est sa force, Tom Brady, tout au long de sa carrière. C'est pas nécessairement la carrière qui Non. va avoir les plus grandes statistiques. Ben quoi, il y a plus grand nombre de passes de chip, et ainsi de suite, mais c'est pas nécessairement ça. C'est pas un gars qui va lancer Non. 500 verges régulièrement par match. Lui, c'est des petites passes, il va contrôler le cadran, il va s'ajuster au match. C'est ça. Et Ben, c'est ça, là. C'était la c'est ça. grande force de Tom Brady. Un Exact. playmaker, comme on Oui, appelle. si tu donnes le ballon à Brady avec 4 minutes à faire, 5 minutes à faire, peu importe, puis qu'il a besoin de toucher, non seulement il va aller le marquer, mais il ne restera rien pour l'autre équipe. Il va écouler le temps, il va gérer la poussée. Mahomes est pareil. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Pat Mahomes, il est juste un corps de troisième année, mais quand il décide qu'il prend le contrôle de la game, il est incroyable. Alors, moi encore contre Buffalo, à un moment donné, il a mis son pied à terre, il a pris le contrôle de ce match-là, puis ça a été terminé. Puis autant Josh Allen, ben Josh Allen, honnêtement, encore hier, il a fait beaucoup de gros jeux. Je trouve que beaucoup trop repose sur les épaules de ce gars-là présentement. Écoute bien, là, on a vu la faiblesse des Bills, l'attaque au Oui. sol. Hier, Oui. l'attaque au sol, normalement, tu peux vraiment reculer le jeu, tu peux retarder le jeu un petit peu. Pas retarder, comment je dirais, que ça aille moins Oui, vite, autrement dit, là. contrôler, réduire Contrôler le la. cadran, les Bills, on ne l'a pas vu. Non. Singletary, c'est pas une solution là, à long terme. Là. Non, Et les Bills, je sais que trouver un porteur de ballon en 2021, non. Non. c'est pas in. Sauf que, tu sais, à quelque part, il va falloir quand même s'améliorer du côté des Bills. On l'a vu Trois hier, choses qui vont du avoir côté de. besoin. Ben c'est drôle de dire ça d'une équipe qui s'est rendue en finale de conférence. C'est quand Ouais. même une bonne équipe, mais il y a tellement de cette équipe-là que c'était les passes d'Allen, les improvisations d'Allen, les courses d'Allen. À un moment donné, il va falloir lui enlever de la pression. La prochaine étape, trouve-lui des playmakers. Tu as en tête le end-around que Hartman a fait, là, le numéro 17 des Chiefs, à un moment donné, pour 50 Ouais. verges. Ça, là, c'est peut-être leur troisième ou quatrième cible. Puis il est plus rapide que le plus rapide joueur des Bills. T'sais, il a eu le ballon, là, il est allé chercher 50 verges. Ça enlève la pression sur un corps arrière, ça. Non, mais tu Alors, penses que c'est plus du côté de l'attaque au oui. sol, parce qu'on a quand même Stephon Diggs C'est contre des bons Beasley, c'est quand même, on est quand même très très joueurs, bien. là. C'est des excellents joueurs du côté L'attaque au sol, mais je te dirais, moi, une priorité pour moi, si j'étais DG des Bills, c'est je pense qu'ils ont besoin de renfort à la ligne à l'attaque. Ouais, C'est pas une mauvaise ligne à l'attaque, mais moi, j'irais. Souvent, Josh Allen court pour sa vie. Ils ont de la misère à courir. Tu sais, ça peut être les porteurs de ballon, mais tout le monde a de la misère à courir. Puis Josh Allen, souvent, il court pour sa vie dans le champ arrière. Là, il est bon pour éviter la pression, mais à un moment donné, peut-être de lui enlever un peu de pression. puis d'ajouter une meilleure ligne à l'attaque devant lui, ça pourrait l'aider. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est une équipe qui a fait un gros bond en avant, les Bills. L'équipe peut être fière de ce qu'ils ont fait. Là, il n'y a pas de perdant dans une demi-finale du Super Bowl ou dans une finale de conférence. Ils ont beaucoup progressé, mais s'ils veulent passer au niveau suivant, il faut qu'ils protègent leur corps de franchise. Ça va prendre des éléments, un porteur de ballon, puis des éléments sur la ligne à l'attaque pour y enlever de la beaucoup pression. L'actualité que je veux te parler au cours du week-end, premièrement, est-ce que c'est le dernier match de Aaron Rodgers avec les Packers? Hey, ça, là, je ne l'ai pas vu venir. On commence déjà à avoir des rumeurs qui circulent qu'Aaron Rodgers pourrait être sur le marché des échanges. Écoute, c'est pas d'hier qu'on entend. Parce que, tu sais, rappelle-toi, là, lorsqu'ils ont repêché Jordan Love en première ronde, tu sais, là, on a parlé, je pense, avec Tony, que j'en ai parlé vendredi. Oui. Jordan Love, écoute, c'était pas nécessairement Aaron Rodgers, l'avait pas pris. Ça l'a fouetté cette saison. Oui. Sauf que là, on commence à se poser des questions à Green Bay. Puis hier, écoute, beaucoup reprochent à Aaron Rodgers son attitude d'hier. Sauf qu'il faut quand même regarder une chose là-dedans. Là. C'est que le gars, il était probablement déçu. Puis ses émotions aussi. Oui. Quelques jours de... Moi, je prendrais Aaron Rodgers n'importe quand. Ouais. Je pense que même s'il a l'âge dans son cas, là, puis peut-être pour une solution à court terme pour une équipe, je ne sais pas s'il est vraiment échangé. Qu'est-ce qu'il va coûter? Parce qu'il a quand même 37 ans, là, mais il est encore tellement bon. Malgré la défaite, peu importe. Il 48 passes de toucher. Tu sais, dire que c'est de la passe de toucher, ça. Là. Corps dominant. Moi, je le prendrais n'importe quand. Maintenant, il y a certaines organisations pour qui ça pourrait faire du sens, mais il faut que tu aies de la place sur le plafond salarial parce qu'il va coûter cher. Là. Est-ce qu'il y en a? Là, tu me vois venir. Il y a plusieurs possibilités. Alors, pour nos pertes, écoute, là, il y a un autre cas qui s'est ajouté au cours de la dernière semaine, Matthew Stafford. Tu as regardé ça de Carson Wentz, de Matthew Stafford. Tu as également Deshaun Watson qui va être sur le marché également. Mais d'abord, est-ce que tu donnerais trois choix de premier rang pour Deshaun Watson comme la rumeur l'indique? Moi, jamais. Non, pas du tout. C'est trop cher payé. Je n'ai pas trois choix au pêchage, trois choix de première ronde pour Deshaun Watson d'aucune façon. C'est un bon corps arrière, mais non. Par contre, je te dirais que dans les choix que tu viens de nommer, moi, celui qui m'intéresserait vraiment, c'est Aaron Rodgers, s'il est disponible. Matthew Stafford, ça dépend du prix. Matthew Stafford, ce que je donne, tu sais, je suis pas contre Matthew Stafford. J'ai pas une évaluation aussi optimiste que bien des gens. Moi, je le vois pas comme un top 5. Non. Puis peut-être même pas comme un top 10. Certainement top 15, mais pas plus que ça. C'est un quart de milieu de peloton. Milieu de peloton. Mais ça peut faire le travail. J'ai rien contre. Par contre, moi, ce que je donnerais pour lui, là, c'est un choix de deuxième, peut-être de troisième, avec un choix conditionnel l'année prochaine. S'il t'amène en série, puis qu'il te fait gagner une ronde ou deux, personnellement, que le choix conditionnel de l'année prochaine devienne un premier round, j'ai pas de problème avec ça, ça va avoir valu la peine. Mais je donne pas mon premier round cette année pour Matthew Stafford d'aucune façon, puis c'est ce que ça va coûter. Alors moi, je suis pas dans le beurre, je suis pas dans le derby, je trouve ça trop cher payé, j'aime mieux repêcher un jeune corps arrière que de l'entourer avec l'argent économisé, Moi, mais tu me demandes à moi, puis on en a parlé en dehors des ondes of the recurve, puis on est d'accord. On espère. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui va arriver, par exemple. Je ne suis vraiment pas certain que c'est ça qui va arriver parce que Bill Belichick a 71 ans et de ne pas marcher pour attendre des années. Tu me demandes à moi, je vais chercher un Ryan Fitzpatrick, puis je repêche Zach Wilson. Oui, clairement. C'est ce que je fais. C'est pas cher, mais par contre, les Pats ont beaucoup de place sur la masse salariale aussi. Absolument. Mais moi, j'aime mieux un jeune, mais comme tu dis, c'est la bonne décision. Écoute, cette année, 11 des 14 équipes en série, leur corps arrière, c'est un choix de première ronde. 11 des 14, c'est comme ça à chaque année. Je sais qu'on sort souvent les échecs, puis on dit souvent... collection Internet, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es venu? Est-ce que tu es là? Je suis là, excuse, j'ai eu deux. gagner, la meilleure façon de faire les séries, c'est d'avoir un corps sélectionné en première ronde. Ça demeure la meilleure façon. Donc, moi, c'est ce que je ferais, mais c'est le meilleur modèle. Est-ce qu'il va être disponible? Est-ce que les Pats vont parler? C'est une autre affaire, ça. Ouais, Tu sais, je non. disais les mock drafts, on disait Mac Jones, on disait, Oui. il y en a d'autres qui ont parlé de Donc, Kyle Pitts et de repêcher Trey Lance en deuxième round, pas mauvais non plus. oui. Ça pourrait être quelque chose de J'ai pas même aussi. Donc, de problème. Carson Wentz, c'est une option aussi. C'est un Ouais. carrière qui pourrait bien marcher dans le système de Bill Belichick. Sur certaines, ça va être très, très, très, très, très intéressant à suivre au cours Pour des. les carrières, là, il y a une autre équipe aussi qui est peut-être même plus attrayante pour un joueur C'est quoi? autonome présentement ou pour un échange, c'est les Colts. Les Colts, Les oui. 49ers, les Ah. Colts. Les Colts, moi, je pense, écoute, les Colts, honnêtement, là, ce qu'ils ont fait cette année avec Philip Rivers, si j'étais Aaron Rodgers ou Matthew Stafford, je te jure, je regarderais. Ils ont un bon coach, ils ont une bonne équipe, ils ont une excellente ligne à l'attaque, peut-être une des meilleures de la ligue. Ils ont un bon jeu au sol, ils ont des bons receveurs de passe. Honnêtement, là, ils ont une bonne défense. Les Colts, il faut que ce soit une destination là, vraiment. Moi, je regarderais de ce côté-là. Les 49ers, peut-être, est-ce qu'ils veulent se débarrasser de Garoppolo? Là, ça pourrait devenir un plan B, un Les nouvel rumeurs endroit. l'indiquent, en tout cas. Ben, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de rumeurs. C'est que c'est sûr que les 49ers, c'est même le choix numéro un. Là, si tu peux, si t'es Rodgers ou ça serait drôle de voir Aaron Rodgers avec les 49ers, l'équipe qui l'a pas Mais repêché. normalement, des carrières comme ça, normalement, comme Aaron Rodgers, on la voit toujours dans la conférence adverse. Si c'est Oui, ça qui est. Si, là, on extrapole énormément. C'est sûr que les Packers ont oui. Jordan Love. Et par le passé, tu regardes ça, ils ont échangé Brett Favre et fait de la place à Aaron Rodgers. Donc, c'était peut-être une possibilité également. Là. Sauf Sûr. que dans notre. C'est très, très possible qu'Aaron Rodgers quitte Green Bay. Sauf que normalement, je vois pas Aaron Rodgers être échangé dans une équipe de la conférence nationale. Je vois bien plus une équipe de la Tout à fait. conférence américaine. Tu sais, Je verrais Rodgers, moi, honnêtement, faire une autre année, facile. peut-être avec les Packers. Je trouve que c'est vite un peu situé avec Jordan Oui. Love, là, je trouve ça rapide, à moins qu'eux aient vu des affaires que Ouais, nous, on voit on ne connaît pas en entraînement, mais il n'y a même pas eu encore de match hors concours, le petit gars. pas. C'est que tu n'as aucune idée de ce que ça va donner. Moi, je trouve ça rapide. Il faudrait vraiment que ce soit Aaron Rodgers qui exige un échange pour partir, là, parce que sinon, moi, si j'étais les Packers, je garderais Rodgers une année de plus. Par contre, Stafford, je pense que lui va s'en Non. aller. Mais dis-toi toujours une affaire. Je confirme, c'est Oui. déjà confirmé qu'il s'en va. Ouais, mais dis-toi une affaire. Comment je peux dire ça? T'sais, on l'a vu un peu avec Cam Newton cette année. Beaucoup de gens, au début de l'année, si on avait fait cette entrevue-là, considéraient que Newton était encore un corps, peut-être pas élite, mais un corps assez solide. Mais si les Panthers ont décidé de couper les liens avec, il y a une raison pour ça. Si les Lions ont décidé que Stafford, à 33 ans, ne fera pas partie de leur reconstruction, c'est parce que je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon, mais eux ont évalué qu'il n'était pas la solution à Détroit. C'est qu'avant de payer le gros prix, là, on parle de deux choix de première ronde pour Stafford. Moi, jamais je donnerais ça. Je veux juste dire, avant d'over, il y a peut-être quelqu'un qui va être prêt à le faire parce que c'est quand même un corps qui a une grosse réputation, mais je trouve que c'est cher payé. Même un premier round, c'est cher payé. Par contre, un deuxième round, puis un choix conditionnel. Puis, dans le cas de Stafford, l'équipe qui ferait beaucoup c'est vraiment les Colts. Eux sont dans leur fenêtre d'opportunité, ils ont l'équipe pour ça. Go, si les Colts veulent aller chercher, puis pour les Patriots, ça peut aussi. C'est pas mon choix à moi. Mon choix à moi, c'est le même que toi, un gars comme Fitzpatrick avec un choix de repêchage. Mais honnêtement, Stafford, je peux vivre avec si les Patriots décident d'aller chercher. Dernière question, c'est une Oui. grande question. Est-ce qu'on doit considérer Tom Brady comme le meilleur athlète de tous les temps, tous sports confondus? Tous Oui, sports confondus. définitivement. Moi, Ça je veut n'ai dire pas d'hésitation. Michael Jordan, ça veut dire Oui. Tiger Woods, ça veut dire Roger Federer, ça veut dire Michael Schumacher, ça veut dire beaucoup, là. Moi, écoute bien, là, moi j'en étais un dessus qui disait que c'était beaucoup trop, 43 ans, c'était une année de trop, il aurait dû se retirer avec les Pats. Sauf que déjà d'emmener son équipe à sa première saison avec les Buccaneers à 43 ans, pas de camp d'entraînement en plus de ça. Écoute, le gars, il est allé jouer, il est allé gagner deux matchs à l'étranger aussi, il ne faut pas oublier ça, là. Non, à Donc, son âge. moi, à son âge, donc moi je suis Moi aussi. renversé. Écoute, Tom Brady, c'est mon sportif préféré. Oui. Sauf que donc maintenant, il faut le considérer vraiment comme athlète de sport tout Ah confondu. oui, Je suis d'accord. moi oui, pour moi, à ce stade-ci. Remarque que le gars contre qui il va jouer, Le gars contre qui il va jouer au Super Bowl est probablement le meilleur corps arrière de l'histoire de la Ligue pour son âge, Oui, là, à ben c'est déjà 25 ans. pour voir les statistiques, mais Ah. dis, mettons pour l'ensemble de l'œuvre. Oui, non, non, mais oui. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'un jour, Mahomes, s'il met les efforts, a une chance de le dépasser. Mais je veux dire, pour l'instant, là, moi, je pense que Brady, c'est gros un peu ce que je viens de dire là sur Mahomes, là, mais moi, je crois vraiment à Mahomes. Mais Brady, actuellement, c'est. Moi, je pense que c'est le meilleur. Écoute, honnêtement, le gars le plus dédié à son sport qu'on n'a jamais vu. Il performe à 43 ans, puis écoute, c'est même pas fini. Tu sais, je veux dire, il donne un signe d'un gars. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Si t'étais à sa place, est-ce que s'il gagne le Super Bowl, est-ce que tu dirais, OK, c'est correct, j'arrête, ou il y a du fun, Ben, il il y a un veut signé continuer? contrat de 2 ans. Il y a un signé contrat de 2 ans. D'après moi, il va respecter son contrat. Il va peut-être le regagner. Je veux dire, écoute, il est tellement au sommet. Non, moi, je pense qu'à ce stade-ci, je ne vois pas, honnêtement, personne d'autre qui. Moi, je pense que c'est effectivement le plus grand de tous les sports, là. Peut-être que je n'aurais pas dit ça l'année passée, mais je pense qu'avec sa présence au Super Bowl cette année, nouvelle équipe, moi, je pense qu'il ferme toutes les portes. Et c'est peut-être ça qu'il voulait en continuant à jouer. C'est un Ben oui, compétiteur. c'est surtout de prouver qu'il n'était pas fini, que Bill Belichick, je Oui. pense que c'était beaucoup ça aussi, parce que tu sais comment ça a terminé avec la Oui. relation avec les Pats, avec Bill Belichick, donc c'était surtout ça qu'il voulait prouver dans les deux. Belichick a voulu, Hugues, oui, oui, tu me laisses on un va dernier se. point. Belichick, dans les Oui. dernières années, ce qu'il a voulu faire, là, il trouvait que Brady avait ralenti, j'ai l'impression, puis il voulait ramener plus une attaque au sol puis une défensive. Il a gagné Super Bowl en 2018 en faisant ça, là. Tu sais, les séries, là, c'est pas Brady, là. C'était, ben, à part le match contre Kansas City, mais beaucoup d'attaques au sol, beaucoup de défensives. La défensive s'est resserrée beaucoup vers le deux tiers de la Et beaucoup saison. d'attaques au Rappelle-toi quand. sol. Puis Brady ne l'a pas pris. Brady a dit, c'est pas Non. vrai, vous êtes encore capable de gagner. Puis regarde, c'est ça, il vient de démontrer. Je pense que Ben, pour eux, ils sont bons. il y avait eu des rumeurs que Jimmy G, Oui. Belichick voulait, tu en as entendu Continuer. parler, que Belichick voulait Oui. continuer avec Jimmy G. Et c'est Robert Kraft qui aurait semble-t-il, mis son poing sur la table et dit non, on va continuer Oui, puis écoute, la avec question Tom Brady. qu'on m'a posée à l'époque, Danny, parce que juste, Ah regarde, t'avais un jeune carrière en quel tu croyais. Brady était quand même rendu dans la quarantaine. Il aurait été fou de ne pas se poser la question. les Mais quatre sauf que. matchs qui ont remplacé Brady, Jimmy G a bien fait, là. Ah oui, absolument. Puis je veux dire, il a quand même été au Super Bowl avec les 49ers, même si le monde ne lui donne pas beaucoup de crédit, mais il a quand même, tu sais, c'est pas un mauvais Quand même. choix. Écoute, Brady, il est dans une classe à part, plus grand de tous les temps, tous sports confondus pour moi. Hugues, merci beaucoup. On va s'en reparler la semaine prochaine, même s'il n'y aura pas de. Je t'avais dit en dehors des ondes qu'il n'y aura pas de chronique lundi, mais je pense qu'en quelque part la semaine prochaine, vu que je vais quand même faire une chronique avec toi pour avoir tes prédictions, et on va finir ça en table ronde avec Tony, les deux ensemble lundi. J'ai la partie Ah oui. 3. Tony, je ne sais pas si tu l'écoutes. Tony, déjà, il va être en table ronde vendredi. Sauf qu'il va en refaire un autre avec Hugues Excellent. pour finaliser tout ça, parce que ça va être la dernière chronique avec vos deux dans Excellent. 2 semaines, lundi dans 2 semaines. Merci beaucoup. On s'en parle. Donc, les gens sur Facebook Live, on vous remercie beaucoup. Les gens également en podcast sur les ondes de danradiosport.com, on vous remercie beaucoup. Et à la prochaine.